Bon, alors il y a deux personnes qui ont été libérées. Deux, il y a encore 20 alors. Ouais. Les autres sont au palais, les autres sont au palais. Ah ouais, ouais, mais on est là, on reste, on ne partira pas. Les autres sont partis, on est là, on reste, on ne partira pas. On est là. Dire, moi, je peux te poser 3 questions. Bah, en fait, on a été. Il y a un congrès du un congrès des libéraux européens à Touré Taxi. Et donc, on a été là-bas une petite vingtaine pour exprimer nos opinions. Et directement, ils ont été super violents avec nous. Ils ont éjecté exactement. Et donc ils ont prétexté qu'on a poussé un policier pour tous nous embarquer, avec quand même vachement de violence, beaucoup de violence, et apparemment il y a 5 personnes qui seront poursuivies au pénal. Quoi. Qui seront poursuivies au pénal? Non, ils ont été transférés au palais direct. C'est... Pour des...